Les mains terre au bijou. Ouais, mais la 4 là. J'suis décidé pour ce banalise là. Pourtant, tu vois, y'a que ça banane 10 semaines. Équipe positive sous cannabis là. Dans l'auto, ça sent le pilon qu'on fait depuis 10 semaines. Ce qui est le meilleur fils de analyse bien. J'sais ce que j'suis, faut que j'me canalise, man. J'ai vu les livres cartés, mais j'préfère qu'aller Lisbonne. Et quand j'médite, j'fais la méditation sur les méditas. Et j'ai mes chippes, ils font bien ma haine comme fumer du thème. On croise comme des chiens, gros, c'est ça nos vies. Eux, ils nous prennent pour des annoncis. Les mecs chelous, on les a notés. Ils portent l'œil des addicts aux anodies. RS, c'est anodin. Mais pas toi, pour dire à nous deux. Si ça te dit, tu touches pas nos vins. Sous la carapace, la police à nous deux. Ancien sur bête, bouteille toute neuve. Je me connais pour tout rien de nouveau. Berlin, gros, patrouille, c'est 9h. Tu m'en prie pourtant je disparais. J'en ai le cas tu veux qu'on disparaisse. De toute façon ils disent tous pareil. J'entends les boulets sur le disparaisse. Tu m'en prie pourtant je disparaisse. J'en ai le cas tu veux que je disparaisse. De toute façon ils disent tous pareil. J'entends les boulets sur le disparaisse. J'ai galéré. Du trafic sur l'allée. Aucune erreur tolérée. J'ai galéré. Moi j'ai galéré. Du trafic dans les looms. Aucune erreur tolérée. C'est avec l'équipe, tout est carré, ma chérie, fais la chelia. Pourquoi faire de bruit, Narvalo, c'est la folie. On entend que ça parle, ils sont pas contents ceux-là. Des histoires, je suis saoulé, j'arrive au quartier, la haine dans les yeux se lit. Amoureux du ghetto, mes potos sont célibres. J'ai trimé en effet, je trimé en été. On s'allume en effet, et le four, personne l'éteint. C'est trop, c'est HAUT, c'est la guerre avec le bif, un gros chahuteur. Dans la laisse, t'entends mes gars hurler. Clique sur le morceau, regarde le chahuté. Quand j'ai rien qui change, mine arrête condamné. Je me dis que c'est la vie, et je voulais un pot d'amener. Reprends dans le night, finir en pot d'amier. Quand y'a rien qui change, mine arrête condamné. Je me dis que c'est la vie, et je voulais un pot d'amener. Reprends dans le night, finir en pot d'amier. Tu m'en prie pourtant je disparais. J'en ai le choix, tu veux qu'on disparaisse. De toute façon ils disent tous pareil. J'attends les boulets sur le disparaisse. Tu m'en prie pourtant je disparais. J'en ai le choix, tu veux disparaisse. De toute façon ils disent tous pareil. J'attends les boulets sur le disparaisse. J'ai galéré. Du trafic sur l'allée. Aucune erreur tolérée. J'ai galéré. Moi j'ai galéré. Du trafic dans les looms. Aucune erreur tolérée. Y'a pas de mytho, y'a que de la galère. T'es à repêcher ma petite fille. Maman de Minard, ça bouge pas les reilles. Le rapport 5 il arrive, restez branchés.